Article 4. On ne doit point contracter de dette nationale pour soutenir au dehors les intérêts de l'État. Les emprunts faits à l'intérieur ou à l'étranger offrent une ressource qui n'a rien de suspect si, dans l'intérêt véritable du pays, on les destine, par exemple, à créer ou à réparer des grandes routes, à former de nouvelles colonies, à établir des magasins en vue des années de disette, etc., etc. Mais que penser de ce système de crédit, invention ingénieuse d'une nation commerçante de ce siècle, au moyen duquel les dettes s'accumulent à l'infini, sans qu'on ait à s'embarrasser du remboursement parce que les créanciers ne l'exigent jamais tous à la fois. Considéré comme ressort politique, c'est un moyen dangereux de puissance pécuniaire. C'est un trésor de guerre, supérieur à celui de tous les autres États pris ensemble, et qui ne peut s'épuiser qu'à la longue par le déficit des taxes, déficit qui ne menace que l'avenir, et qui peut être longtemps retardé par la réaction favorable du crédit sur le commerce et sur l'industrie. Cette facilité de faire la guerre, jointe au penchant naturel qui semble y porter les hommes dès qu'ils en ont le pouvoir, est un très grand obstacle à la paix perpétuelle. Et ce qui autorise d'ailleurs à faire de l'abolition de cet usage un article préliminaire d'un traité de paix perpétuelle, c'est que tôt ou tard, il résulterait de son maintien une banqueroute nationale par laquelle plusieurs États, qui en souffriraient malgré leur innocence, se trouveraient ouvertement lésés. Ces États sont donc pour le moins en droit de se liguer contre celui qui se permet de telles mesures attentatoires à leur sûreté.